بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. لونجا الله سبحانه وتعالى. On se retrouve ce soir qui correspond au 2 septembre sur les ondes de Radio Taqwa pour la suite des cours des actes du cœur. Car, comme vous le savez, le cœur, c'est le commandant des membres du corps. S'il est bon, les membres du corps le seront, car l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et qu'on se rappelle ce verset dans Sourate Shura, où il dit « Yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man ata Allah bi qalbin salim » La traduction approximative du sens du verset, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. C'est-à-dire le jour du compte. Ce qui va servir à la personne, c'est d'arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Le cœur saint, c'est un cœur duquel l'individu s'est occupé pour le purifier et le préserver du polythéisme, de la rancune, de la jalousie, de la rancœur, de l'avarisme, de l'orgueil, de l'amour de ce bas monde et du commandement. C'est le cœur qui est préservé de toute faute qui l'éloigne d'Allah. C'est le cœur qui est préservé des ambiguïtés. C'est le cœur préservé de tout désir opposé à l'ordre d'Allah. C'est le cœur qui est préservé de toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas, et qui est préservé de toute chose qui coupe la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ibn al-Qayyim a dit, le cœur saint, c'est le cœur séjournant dans un paradis en ce bas monde et dans la tombe et le jour de la résurrection. Comment il peut séjourner dans un paradis dans ce bas monde? C'est-à-dire, avec sa soumission à Allah, le cœur est plein de monothéisme, plein de foi, plein de certitude pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour les promesses d'Allah. Plein de confiance en Allah, plein d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et donc ainsi, il est dans un paradis dans ce bas monde. Et comme c'est insoumis à Allah, bah, dans la tombe, il en sera de même, et le jour de la résurrection, bi'idnillah azza wa jal, ce sera la même chose. Et la sincérité, frère Allah azza wa jal, est un des actes très importants du cœur. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts à la personne. La sincérité pour Allah, dans les paroles et les actes, c'est le secret de la réussite. La sincérité pour Allah, dans les paroles et les actes, élève la personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. La sincérité pour Allah, c'est l'arche pour être sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, la sincérité te délivrera de toute difficulté et de toute détresse, et dans l'au-delà, Allah n'accepte les œuvres que de ceux qui les ont accomplies dans la sincérité. Bien sûr, cette sincérité, pour que l'œuvre soit acceptée, doit être accompagnée du suivi. Ça va de soi. La sincérité, c'est la citadelle de protection par le biais de laquelle le croyant et protégé des ruses et des stratégies du shaitan. قال عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. Le verset nous dit ceci dans la traduction approximative du sens du verset. Et dans ce verset, Shaitan a dit, par ta puissance, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Qu'on se pose la question, pourquoi ils ont été élus? Ils ont été élus par leur sincérité. La sincérité est le moyen unique pour triompher sur l'ennemi et pour avoir le pouvoir et la suprématie sur terre. Dans Sahih Targhib wa Tarhib, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. Le messager alayhi salatu salam dans ce hadith authentique a dit, Allah certes fait triompher cette communauté par ses faibles, par le biais de leur imploration et par le biais de leur prière et par le biais de leur sincérité. La sincérité pour Allah dans les actes et les paroles en public et en privé, au moment de l'aisance et au moment de la difficulté, c'est la source du bonheur dans ce bas monde et dans le delà. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs dans le Coran la sincérité. Et le messager alayhi salatu wa salam l'a ordonné et a éduqué sa communauté dans sa sunna sur la sincérité. Et parmi les versets, ils sont nombreux. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. La traduction approximative de ce verset dans sourate Al-Bayyina, il ne leur a été ordonné cependant que de vouer le culte exclusivement pour Allah. Et les versets ordonnant les sincérités sont nombreux dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam. Le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Certes, les actes ne valent que par leur intention et chaque être sera rétribué selon son intention. Le hadith. Et aussi ce hadith de Imam Muslim, où le messager alayhi salatu wa salam a dit, Allah ne regarde pas vos corps, ni votre image, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Il regarde vos cœurs et vos œuvres. Donc, nous devons donner une grande importance à nos cœurs et une grande importance à la sincérité et faire des efforts sur nos cœurs constamment pour préserver nos œuvres et faire en sorte qu'ils soient exclusivement pour Allah. Et nous devons apprendre la sincérité de ceux qui l'ont accompli et de ceux qui ont accompli la religion sincèrement pour Allah. Ceux qui étaient sincères pour Allah dans leurs œuvres, dans leurs dua, dans leur refuge auprès d'Allah, en public, en privé, au moment de l'aisance et au moment de la difficulté. Et le meilleur modèle sont les compagnons du prophète alayhi salatu salam. Nos meilleurs modèles, après le messager alayhi salatu salam, ce sont ses nobles compagnons. Et nous devons prendre les leçons des hadiths dans les histoires que le messager nous a contées d'hommes, hein, qui faisaient partie des communautés avant nous et qui ont accompli la sincérité et qui les a sauvés dans ce bas monde avant le delà. Méditons le hadith que nous avons vu auparavant, où le messager alayhi salatu wassalam a parlé et a cité ces trois hommes parmi ceux qui nous ont précédés. Ces trois hommes sont partis un jour en voyage et la nuit les surprit alors qu'ils étaient en cours de route. Ils finirent par se réfugier dans une grotte pour y passer la nuit. Or, un gros rocher dévalant la montagne embouche l'entrée. Ils se dirent alors, la seule chose qui peut nous délivrer de ce rocher, c'est d'implorer Allah en mentionnant l'œuvre la plus pieuse de chacun. Regardez, ô soumis Allah, c'est ainsi que se réfugie le croyant auprès d'Allah au moment difficile. Il s'oriente avec son cœur, avec sa langue, en levant ses mains vers Allah Azza wa Jal, car le croyant a la certitude, il sait que c'est Allah seul et uniquement Allah qui exauce le dua de celui qui est en détresse et qui exauce le dua de celui qui l'implore. C'est pour ça que ces trois hommes se sont dit, la seule chose qui peut nous délivrer de ce rocher, c'est d'implorer Allah en mentionnant l'œuvre la plus pieuse. Dire l'œuvre accomplie, hein, sincèrement pour Allah, qu'il pensait avoir accompli sincèrement pour Allah. Le premier parmi les trois a dit, ô Allah, j'avais deux parents très âgés. Jamais je ne fis servir le lait à mes enfants ou à mes serviteurs avant de les servir tous les deux. Un jour, occupé par la recherche du pâturage, je m'étais éloigné de la maison et ne revins qu'à la nuit tombée. En apportant à mes parents leur ration de lait quotidienne, je les ai trouvés endormis. J'aurais pu ni les réveiller ou de donner à boire à ma famille et à mes serviteurs avant eux. Je restais ainsi donc à attendre qu'ils se réveillent et boivent leur ration de lait. Ô Allah, si j'ai fait cela pour obtenir ta satisfaction, déplace ce rocher pour que nous puissions sortir de ce lieu. Le rocher se déplaça alors un peu, mais pas au point de leur permettre de sortir de la grotte. Comme il dit la situation de cet homme, et la bonté qu'il avait, et la bienfaisance et la bonté qu'il avait envers ses parents, à une époque où certains sont très mauvais avec leurs parents, au point de considérer leurs parents comme des fardeaux, au point que certains s'en détachent en les mettant dans les maisons du troisième âge. Et je ne dis pas ça pour les mécréants. Mécréants, ça c'est son habitude. Et le mécréant a dépassé la ligne rouge. Non, je ne dis pas ça pour les mécréants ou pour ceux qui ont délaissé la prière ou ceux qui sont négligents au niveau de leur religion. Mais je dis ça de certains qui font la prière et qui ont l'apparence de la droiture. Sache, ô toi qui es mauvais avec tes parents et qui maltraite tes parents, apprends de ce berger la bonté pieuse. Apprends de ce berger la bonté pieuse envers les parents. Ce berger qui est ni diplômé de l'Azhar, ni diplômé de la Qaraouine, ni diplômé de la Sorbonne, ni d'Oxford, ni autre. Ce berger qui suit son troupeau à travers les pâturages et qui pense à bien servir ses parents. Écoute-le, en apportant à mes parents leur ration de lait, je les ai trouvés endormis et j'ai répugné les réveiller ou de servir les miens avant eux. Regarde cette position de la foi extraordinaire dans la bonté avec les parents. Il est resté toute la nuit jusqu'à l'aube avec son récipient de lait attendant le réveil de ses parents. Par Allah, est-ce que quelqu'un de nous pourrait faire cela? Les enfants qui pleurent à tes pieds et les serviteurs qui attendent et la femme et ainsi de suite et cet homme qui a fait cela et qui agit ainsi a eu une longue journée derrière lui, derrière le troupeau. Et le travail des bergers n'est pas un travail de tout repos. Mais quand la foi véridique remplit le cœur, la personne agit ainsi. Méditons cette position devant laquelle on faiblit tous, les enfants qui pleurent à ses pieds, qui veulent manger, qui veulent boire. Et s'ils les avaient nourris, ils n'auraient commis aucun péché. Il n'aurait commis aucun mal. Mais la bonté avec les parents ne l'a pas laissé mettre avant eux quelqu'un. Cet homme, bon avec ses parents, dit alors qu'ils sont coincés dans le noir de cette grotte, alors qu'il ne sait pas si Allah a accepté de lui cette noble œuvre ou pas. Il a dit, oh Allah, si j'ai fait cela, pour obtenir ta satisfaction et par sincérité pour toi, délivre-nous de ce rocher. Le rocher a bougé un peu, mais ils ne peuvent toujours pas sortir. Qui a fait dévaler le rocher pour boucher la grotte? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant. Rien ne bouge sans son ordre, subhanahu wa ta'ala. Méditons cette sincérité dans la bonté avec les parents. Et prenons la leçon. Le deuxième homme a dit, oh Allah, j'avais une cousine que j'aimais beaucoup. Et dans une version, j'éprouvais pour elle la plus grande passion que les hommes puissent avoir pour les femmes. Je lui ai fait plusieurs propositions immorales, mais il refusa toujours mes avances, jusqu'au jour où il a subi des effets de la famine. Il vint m'emprunter de l'argent. Je lui donnai alors 120 dinars, à condition qu'il se soumette à mes avances, ce qu'il accepta de faire. Une fois soumise à mon pouvoir, et dans une version, au moment où je me plaçais entre ses jambes, il me dit, préserve les droits d'Allah et ne déchire l'hymen qu'à juste titre, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Je m'éloignais d'elle, bien qu'il fût la femme que j'aimais le plus, en lui laissant l'argent. Oh Allah, si j'ai fait cela pour obtenir ta satisfaction, déplace ce rocher pour que nous puissions sortir. Le rocher se déplaça alors un peu, mais pas au point de leur permettre de sortir de la grotte. Ô jeunesse musulmane, méditons comment la foi éduque. Regardez cette femme qui s'est toujours refusée à l'adultère. Comment il a fait le rappel à cet homme? Cet homme qui était épris d'elle, et regardez combien il est prêt, combien cet homme est prêt à dépenser pour Zina 120 dinars. Et quand on parle de dinars à l'époque, ce sont les pièces d'or. Et quand on dit dirham, ce sont les pièces en argent. Combien, hein, de mois, l'idée de coucher avec sa cousine martelait l'esprit de cet homme. Et quand cet homme s'est placé entre ses jambes, entre les jambes de sa cousine, la femme éduquée par la foi lui dit, préserve les droits d'Allah. Et cet homme qui avait la foi, mais le désir s'est accaparé de son esprit, il a aveuglé. Quand il a entendu cette phrase, ittaqillah, préserve les droits d'Allah, il s'est rappelé le jour où il se présentera devant Allah. Cette phrase, qui est sortie comme une bombe du cœur de cette croyante, pour exploser dans le cœur de ce croyant. Cette femme s'est rappelée le jour de l'exposition devant Allah. Et il l'a rappelé à son cousin. Hein? Regardez la foi, ce qu'il fait de la personne, même au moment des difficultés. Et méditons la situation de certaines femmes. Dès que le mari sort, ils se pensent sur leur téléphone, à tchatcher avec celui-là, à tchatcher avec, à prendre rendez-vous avec l'autre, et ainsi de suite, et à rentrer dans des rooms, hein, où il est interdit de rentrer, et ainsi de suite. Et méditons aussi ce que font certains hommes à aller chaque soir dans des boîtes de nuit pour assouvir leurs désirs ou à rentrer dans des sites illicites, hein, dans des sites illicites qui appellent à la débauche, qui appellent aux rencontres, hein, de l'adultère. Méditons cela, méditons ces situations dans lesquelles sont certains, que Allah subhanahu wa ta'ala les guide et que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, pour comprendre que le cœur, quand le cœur est plein de foi, il protège, il pousse, et il y a un motif, hein, et il est un frein contre le mal et contre la débauche et contre tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. D'où l'importance de faire du travail sur nos cœurs. Le troisième homme de la grotte, de son côté, a dit, « Oh Allah, j'avais engagé des journaliers, c'est-à-dire des ouvriers à la journée, et la fin de leur travail, je leur donnais leur salaire, sauf à l'un d'entre eux, qui laissa son dû et parti. Et je fais fructifier alors son salaire, qui s'accroît et devient considérable. Quelque temps après, cet ouvrier revint me voir pour me réclamer son dû, en me disant, ô serviteur d'Allah, donne-moi mon dû. Je lui répondis, tous les chameaux, les vaches, les brouvis, les brebis et les esclaves que tu vois là t'appartiennent. Il me dit, ne te moque pas de moi. Ô serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. Je lui dis, je ne me moque pas de toi. Tout cela t'appartient. Il prit alors tout ce que je lui désignais sans rien laisser. Oh Allah, si j'ai fait cela pour obtenir ta satisfaction, déplace ce rocher afin que nous puissions sortir. Le rocher se déplaça complètement et ils ont pu sortir. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Mais méditons la position de cet homme et sa loyauté envers un de ses ouvriers. Un ouvrier journalier. Et regardez combien parmi nous sont injustes avec leur employé. Ils ne préservent pas les droits d'Allah les concernant. Au point où certains s'arrangent avec leur employé, ils les poussent à faire des fausses déclarations. Exemple, le frère touche les aides de l'État. Et on lui propose de travailler au noir. et on le paye moins que le tarif en vigueur, ou alors on le déclare à mi-temps alors qu'il travaille à plein temps et il continue à faire des fausses déclarations pour garder les avantages que lui donne l'État. Et d'autres formules dans laquelle le gagnant, c'est toujours l'employeur. Et malheureusement, il y a certains de nos frères qui tombent, dans ce filet que Shaitan leur tend. Des deux côtés, l'employeur et l'employé. Et combien l'employeur est toujours gagnant parce que, en déclarant moins de temps, il versera moins de retraite, moins de primes de chômage, et ainsi de suite. Alors que nous devons être clairs, nets et loyaux et vouloir le bien pour nos frères. Et comparant ces façons de faire au comportement de cet homme cité dans ce hadith, en cette période de cette pandémie, qu'on médite et qu'on réfléchisse qu'à ce qui nous arrive et le résultat de nos œuvres. وَمَا أَصَابَكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Le verset, il est clair. Dans sa traduction approximative, il nous dit ceci. Ce qui vous arrive, ce que vous subissez, c'est le résultat de vos œuvres. Et combien se comportent avec leur employé comme des moins que rien. Nous ne devons pas oublier que nous sommes créés tous par Allah et nous allons revenir vers Allah pour rendre les comptes. Et qu'on se rappelle que c'est Allah qui nous a comblés de la fortune et qui a fait que cela soit au service de certains et que cela soit des patrons et les autres soient des ouvriers et des employés. Et qu'on se rappelle que cette fortune, c'est Allah qui comble avec. Et c'est lui qui la reprend quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Du jour au lendemain, la personne qui était employeur, on la retrouve en train de chercher du travail. Combien de gens possédaient des grosses fortunes et ils n'ont pas préservé les ordres d'Allah, azza wa jalla, concernant leurs employés et autres. Ils se sont retrouvés à chercher du travail et personne ne veut les employer. Attention qu'on soit pas injuste avec les faibles. Attention à l'injustice vis-à-vis des faibles. Et nous devons travailler nos cœurs. Et nous devons renforcer et fortifier notre foi. Ces histoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a contées, c'est pour prendre les leçons. C'est pour prendre les leçons et pour imiter le bien qui est dans ces histoires et s'éloigner du mal qui est dans ces histoires. Ces histoires que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a contées, c'est pas pour faire des veillées. Abadan, c'est pour méditer et pour faire très attention et s'éloigner des choses duquelles on doit s'éloigner et faire ce qu'il faut faire pour avoir l'agrément d'Allah et sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. Regarde, frère en Allah, quand la foi s'accapare et remplit un cœur, il le pousse vers tous les biens. Le seul souci de la personne dont le cœur est plein de foi, c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla, d'obtenir la satisfaction de celui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Méditez cet homme, ce qu'il a fait d'un salaire d'un jour, et quand l'ouvrier est revenu réclamer son salaire, le salaire de sa journée, il lui a tout donné. Chameaux, vaches, moutons, esclaves, etc. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comme ça doit être l'acquittement des droits. Frère en Allah Azza wa Jal, la sincérité, c'est le secret de la réussite. La sincérité dans les paroles, dans les actes, en public et en privé, est la cause du bonheur dans les deux demeures, dans ce bas monde et dans le delà. Et parmi les leçons à retenir de ces positions citées dans ce hadith, parmi les leçons à retenir de ces positions de sincérité citées dans ce hadith, la première leçon, quand on connaît Allah et quand on préserve ses droits dans l'aisance, Allah nous aide et nous délivre au moment des détresses. Ces trois hommes qui sont entrés dans la grotte connaissaient Allah et préservaient les droits d'Allah. Allah dans les connaissait Allah et préservait les droits d'Allah dans l'aisance avant de tomber dans cette difficulté. Le premier était bon avec ses parents. Le deuxième s'est abstenu de l'adultère. Le troisième a donné à l'ouvrier son droit. Et il a été loyal vis-à-vis de cet ouvrier. Allah les a délivrés de la difficulté dans laquelle ils sont tombés quand ils l'ont imploré, subhanahu wa ta'ala. Comme dit aussi l'histoire de Younus, alayhi salatu wassalam, quand il a été prisonnier dans le ventre du poisson, au fin fond de la mer, dans des couches de ténèbres, les ténèbres de la mer, les ténèbres du ventre du poisson, et il a imploré Allah. Allah a exaucé son dua. Il a délivré de sa détresse et de son souci. Pourquoi? Car avant cette prison, il faisait partie de ceux qui glorifiaient Allah. Comme il sied à la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il connaissait Allah et préservait les droits d'Allah dans l'aisance. Allah l'a délivré de sa difficulté quand il a imploré Allah, subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. C'est-à-dire il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'à la résurrection. Et qu'on médite la situation de Pharaon dans l'aisance, et quand il avait le pouvoir, la santé, la fortune, la puissance, il ne connaissait pas Allah. Il ne préservait pas les droits d'Allah. Il disait aux gens, « Ana rabbukumul a'la ». La traduction approximative du sens du verset, « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Et il leur disait aussi, Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. La traduction approximative de sa parole, et je ne vous connais pas de divinité autre que moi. Et il leur disait aussi, alaysa li mulku misra wa hadi al-anhar tajri min tahti. La traduction approximative de sa parole, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas ainsi que ces fleuves qui coulent à mes pieds? Regardez comment ils s'attribuent ce qui appartient à Allah, Azza wa Jal. Et comment, et il se dit, plus grand au-dessus de tout, et qu'il est la seule divinité pour son peuple. Il était ainsi, quand il avait le pouvoir, la santé, la royauté, et quand il est tombé dans la difficulté et dans la détresse, et qu'il allait se noyer, il a dit, Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël, wa ana min al-muslimin. Et dans la traduction approximative du sens du verset, il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Et regardez malgré cela l'orgueil dans lequel il était. Il a dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et la réponse est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. La traduction approximative du sens du verset. Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été des nombres des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prétendent aucune attention à nos signes. C'est-à-dire, beaucoup ne prétendent pas attention aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux signes avertisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon n'a pas préservé les droits d'Allah. Et Pharaon ne connaissait pas Allah Azza wa Jal au moment de l'aisance. Allah l'a abandonné au moment de la détresse. La deuxième leçon dans ce hadith, sache soumis à Allah que c'est seul Allah qui exauce le dua, où que tu sois. Et peu importe la difficulté dans laquelle tu es, lève tes mains vers Allah, vers ton unique Seigneur, et implore le seul digne d'être adoré, car il entend et il exauce le dua de celui qui l'implore. قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. La traduction approximative du sens du verset. Il compte mes soumis t'interroge sur moi. Alors, je suis tout proche. Je suis tout proche. J'exauce le dua de celui qui m'implore et qui me demande. Et qu'on se rappelle, frère en Allah et sœur en Allah, ces trois hommes dans la grotte, personne ne sait où ils sont, sauf Allah. Ils ont imploré Allah. Ils ont levé, les mains vers leur Seigneur. Et ils l'ont imploré, et il a exaucé leur dua, et il les a délivrés de leur détresse. Et il les a fait sortir du noir de cette grotte. La troisième leçon à retenir dans ce hadith, implorer Allah en évoquant une œuvre pieuse est permis. Demander à Allah en mettant en avant une bonne œuvre, ceci est permis. Mais lui demander par la place du wali, ou par la place du vertueux, ou par la place du prophète, ou autre parmi les morts, ceci est interdit. On peut pas dire, bijah nabi, abedan. Par la place du prophète, abedan. Mais on peut dire, par l'amour que j'ai pour ton prophète, ya Allah. Les trois qui ont été coincés dans la grotte ont imploré Allah en mentionnant l'œuvre qu'ils pensaient être la plus sincère et la plus pieuse qu'ils ont accomplie pour avoir la satisfaction d'Allah. La quatrième leçon dans ce hadith, Allah Azza wa Jal ne laisse pas la récompense de celui qui fait une bonne œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala récompense toujours celui qui accomplit une bonne œuvre, qui est accompli dans la sincérité et dans le suivi. Ces trois qui ont été bloqués dans la grotte ont fait des bonnes œuvres dans l'aisance. Allah l'a accepté d'eux et il a été profitable pour eux dans ce bas monde, comme il le sera bi'idhnillah azza wa jal dans le delà. Frères en Allah et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons travailler notre sincérité. C'est une tâche qui demande beaucoup d'efforts. Nous devons faire beaucoup d'efforts sur nos cœurs. Nous devons nettoyer nos cœurs, purifier nos cœurs, et regarder toujours pour qui nous faisons cette œuvre. Et si on veut connaître notre situation dans la tombe, qu'on écoute ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Dawat Dawa, il a dit la situation des serviteurs dans la tombe, c'est comme la situation du cœur dans la poitrine. Au niveau du délice, au niveau du châtiment, ou de la prison, ou de la liberté. Si tu veux savoir ta situation dans la tombe, regarde la situation de ton cœur dans ta poitrine. Si le cœur est rempli de pureté, de foi en Allah, de monothéisme, de confiance en Allah, etc., rempli de quiétude, de soumission à Allah, c'est ce que ça va être, bi'idnillah azza wa jal, dans la tombe. Il dit, rahimahullah, le contraire est vrai aussi. Il dit, rahmatullah alayh, c'est pour ça que tu trouves celui qui est dans la soumission, dans l'obéissance à Allah, et qui a un bon comportement, et qui est facile dans sa relation avec les autres, il dit, tu trouves que celui-là fait partie de ceux qui ont le plus de quiétude et qui sont les plus apaisés. Rahimallahu ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et on termine avec cette parole d'Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui dit la purification du jour chaque jour est plus importante que la purification des vêtements chaque jour. Il dit, rahmatullah alayh, purifier son cœur chaque jour est beaucoup plus important que purifier ses vêtements chaque jour. D'où, frère en Allah, l'importance de s'occuper de nos cœurs, de voir ce qu'il y a dans nos cœurs, pour qui nous faisons nos œuvres, d'essayer de sortir la rancune qu'on a dans notre cœur, l'orgueil, hein, la jalousie, et ainsi de suite, et faire très attention. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً.